C'est le mois prochain que les Chinois arriveront sur la Lune, et plus exactement le premier rover chinois. Le vaisseau Chang'e 3 doit alunir dans les plaines de Sinus Iridum pour déployer un petit rover à 6 roues. Ce sera le premier engin à rouler sur la Lune depuis près de 40 ans, depuis la mission soviétique Luna 24 en 1976. C'est dire une éternité. La Chine a vu de nombreux succès dans son programme spatial depuis 10 ans, ayant envoyé des hommes en orbite, puis accosté deux vaisseaux également toujours en orbite, et donc l'exploration lunaire est la suite logique de ce programme. Le seul échec recensé jusqu'à présent, c'est la perte de leur première sonde martienne peu après son lancement en 2011. Mais les Chinois sont loin d'être découragés et avancent méthodiquement. Ils ont déjà mis deux sondes en orbite lunaire avec succès. Si Chang'e 3 alunit sans encombre sur le régolithe lunaire, la Chine rejoindra définitivement l'Union soviétique, ou la Russie si on préfère, et les États-Unis dans les grandes puissances spatiales. Pour la petite histoire, Chang'e tire son nom d'une déesse de la Lune. Chang'e 1 a été lancé en 2007 et a cartographié la totalité de la surface de la Lune avant d'être propulsé volontairement pour s'écraser sur la surface sélène en 2009. Le deuxième Chang'e a été lancé en 2010 et fut chargé de produire une cartographie de la Lune avec une encore plus grande précision, puis fut envoyé explorer l'astéroïde Toutatis en décembre 2012. Si la fusée décolle le 1er décembre, Chang'e 3 peut arriver en orbite lunaire le 6 décembre et l'alunissage pourrait avoir lieu à partir du 16 décembre, selon les responsables de la mission. Les scientifiques chinois sont prudents. Ils ont choisi un site d'alunissage très sûr, des plaines très plates avec peu de relief. Une fois posée, la sonde, qui utilisera une source d'énergie à radioisotopes, mettra en œuvre un petit télescope UV pour l'étude à la fois de la Terre et du centre galactique. Le rover, baptisé U2, le lapin de Jade, est de petite dimension, rien à voir avec Curiosity. Il ne pèse que 100 kg et est alimenté par des panneaux solaires. U2 est muni d'un bras robotique sur lequel sont implantés des instruments pour l'étude du sol proche, comme par exemple des spectromètres alpha et à rayons X, ainsi qu'un radar pour explorer plusieurs dizaines de mètres sous la surface. U2 fera aussi bien sûr des images de son environnement, muni de caméras. En fonction de la réussite de cette mission, la prochaine, Chang'e 4, devrait être une copie conforme de Chang'e 3, mais elle explorer cette fois-ci une zone très différente de la Lune. L'étape suivante pour la Chine est d'envoyer un robot qui permettra de rapporter des échantillons sur Terre, aux environs de 2017 ou 2018. Et bien évidemment, l'objectif du programme est d'envoyer des taïkonautes sur la Lune, ce que l'administration chinoise a planifié pour les années 2020. Les Chinois montrent ainsi une grande prudence à chaque étape. On voit qu'ils avancent lentement mais très sûrement, et font toujours de plus grands pas à chaque vol. Source, Nature 503, 28 novembre 2013.